j'ai fait mille et mille folies pour faire plaisir et manquer gourmet. On est toujours bien. S'il faut moins crier divinité, manquer faille. Dans mon entier, moi, qu'à brûler comme moi. Et manquer pour Dieu, vous a toujours, toujours dire. Si jamais ça arrivait.